folie. On s'en fout, puisque c'est joli. On s'en fout, on en a envie. C'est comme la mer, c'est comme le chocolat. Quand on les voit, on n'y résiste pas. Et on est si content quand on y touche. Quand on y touche, on le regrette pas. Toi et moi, une chance qui bascule et puis qui balance. Toi et moi, une belle et deux manches. On gagne un coup, on perd et on s'embrasse. Quand on revient, ça laisse pas de traces. Même pas au téléphone, on connaît plus personne. Quand on revient, tout retrouve sa place. Toi et moi, une folie. Elle est fous, le ciel les bénit, il leur donne un peu de paradis. C'est comme la neige, c'est comme une oasis, c'est comme pour un enfant du réglisse. Et on est si content avec son cœur, on ne prend que les du bonheur. Toi et moi, une chance qui s'arrête et qui recommence, qui hésite un peu et s'élance, qui marche en équilibre sur le temps. Mais quand on s'aime, on ne fait pas semblant. Le temps qui passe n'a plus d'importance.